Isabelle Autissier, présidente du WWF France, nous parle. Oui, la situation est critique. Les océans sont pollués par le plastique, les espèces disparaissent. Mais il n'y a aucune fatalité. Nous sommes la dernière génération à pouvoir agir. Mais nous sommes aussi la première à vouloir redresser la barre pour léguer à nos enfants un monde meilleur. C'est un message plein d'espoir, non ? Pour inscrire le WWF sur votre testament, renseignez-vous auprès de Camille Perrier au 01 73 60 40 40 ou sur testament.wwf.fr. Le savant britannique qui travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique est mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge. Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes depuis le 18 juin 1940. Monsieur le maire, messieurs et mesdames, prenez garde. Je vais parler français. Dans cette ville... Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passé, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions. Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, comme un reflet dans un miroir propose l'image inversée d'une réalité, les péripéties qui ont marqué l'entrée du Royaume-Uni dans l'Europe en construction entre 1957 et 1975 renvoient, selon une symétrie assez remarquable, à la chronique très turbulente de son départ annoncé. Cette chronique dont nous sommes actuellement les témoins attentifs et souvent interloqués. J'ai donc souhaité restituer ce matin cette période où les Anglais, après avoir méprisé comme invraisemblable le projet de marché commun des six nations continentales, après avoir tâché de le naufrager en le concurrençant du dehors, se sont résignés à constater son succès et ont donc décidé de mettre en pratique leur devise bien connue « If you can't beat them, join them ». Si vous ne pouvez pas les défaire, rejoignez-les. Vous allez voir qu'on trouve au travail, au long de ces longues années d'approche, entre avancée et recul, un jeu de force qui n'a guère perdu de son actualité. Vous allez voir que les arguments que De Gaulle, président de la République française, a obstinément opposés à l'aspiration britannique, retrouvent une couleur intacte aujourd'hui, et qu'ils méritent d'être restitués, tout comme ceux qu'en sens contraire, son successeur, Georges Pompidou, a présentés pour lever le veto. On rencontre là une évidente spécificité anglaise, enracinée dans la très longue durée de l'histoire et dans la géographie, qui est immuable par définition. Une spécificité qui a pu justifier, aux yeux de nos amis d'outre-Manche, leur désir constant de modifier les règles définies auparavant, définies sans eux, les règles du club où ils souhaitaient entrer, tout en y préservant de surcroît, du dedans et parmi les autres, l'égoïsme patriotique d'un statut original. Robert Frank, professeur émérite à la Sorbonne, historien des relations internationales contemporaines, a beaucoup étudié ce sujet. Je gage que sa compétence va nous être précieuse pour aller à l'essentiel. Mon ami d'Angleterre m'a dit « j'ai trop de brume ». Mon ami d'Italie m'a dit « j'ai souvent faim ». Mon ami de Madrid pense avec amertume à son fils en exil dans un pays voisin. Bruxelles et Amsterdam sont pleins d'amis que j'aime, de grands-pères espagnols avec du sang germain. Mon ami de Berlin a beaucoup de problèmes, mais j'ai tout oublié pour lui tendre la main. Chagrin et les mêmes couleurs, et pourtant la mer sur nos rivages princesse et les mêmes fureurs. Avec un peu de brume venue de l'Angleterre, avec un peu de blé du pays du soleil, avec un peu de sang de l'Espagne en colère, on pourrait faire un arbre qui monterait au ciel. J'ajouterais peut-être une chanson de France que Paris donnerait en cadeau de Noël. Et nous danserions tous la nouvelle cadence d'un pays merveilleux au passé éternel. Robert Franck, bonjour. Bonjour. Lorsque André Dassary interprétait en 1958 la chanson de l'Europe, un arbre qui montera jusqu'au ciel, il n'avait pas de doute que l'Angleterre dût y figurer. Visiblement, il n'y avait pas de doute. On est en 58, il y a une certaine euphorie, et cette chanson marque bien cette euphorie. Le traité de Rome qui institue le marché commun a été signé l'année précédente, en 1957. Les institutions se mettent en place en janvier 58. De Gaulle arrive au pouvoir en juin 1958. Et coup de théâtre, finalement, il accepte l'Europe, il accepte le marché commun. Donc finalement, tout va bien. Dassary et De Gaulle, même combat, vous me surprenez un peu. Peut-être, mais bon, ce qui est intéressant, c'est que il pense que l'Angleterre, il n'y a aucun doute, fera partie de l'Europe. Il parle quand même de la brume, hein, cette brume qui nous vient d'Angleterre, et c'est vrai que finalement, la brume va être un peu plus épaisse que Dassary ne le croyait. Alors nous allons avoir à aborder tout cela. Évidemment, il faut toujours aller rechercher plus loin en arrière. On peut faire le court moyen terme en remontant à l'après-Seconde Guerre mondiale. Et pour cela, les positions de Winston Churchill, d'abord Premier ministre et puis très vite dans l'opposition, avant de revenir à Downing Street, mérite d'être considéré. Ah, le cas de Winston Churchill est passionnant, parce que, si vous voulez, il est européen très tôt, d'une certaine manière. Dans les années 30, il appelle à les Européens à s'unir, mais il dit très nettement que la Grande-Bretagne, bien sûr, ne fera pas partie de cette Europe. Voilà. Allez-y, unissez-vous, mais voilà, nous n'en sommes ça, pas. Mais sans nous, voilà. Puis après la guerre, en 1946, il est effectivement, comme vous l'avez dit, dans l'opposition, à Zurich, qui fait un grand discours sur l'Europe. Il espère qu'il y aura une réconciliation franco-allemande et qu'elle fera l'Europe. Et ajoute-t-il, les États-Unis, la Grande-Bretagne et, j'espère, dit-il, l'URSS, parraineront cette construction de l'Europe. Donc la Grande-Bretagne, elle est parmi les trois grands, hein, et donc ne daigne pas entrer dans cette Europe. Et ce même homme, Churchill, toujours dans l'opposition, en 1948, sera au contraire le président du grand congrès de la Haye, qui est un congrès de militants pour l'Europe. Il préside cette grande manifestation, et à la tête de cette manifestation, bon, il montre qu'il a changé. Qu'effectivement, maintenant, cette Europe qu'il appelle de ses voeux depuis longtemps, il y inclut la Grande-Bretagne. Eh bien, il faut entendre sa voix. La voix de Winston Churchill, surtout quand il fait l'effort de s'exprimer en français. Vous allez voir, nous sommes place Kléber lors de la manifestation publique du mouvement européen le 12 août 1949. C'est une émission de la chaîne nationale. Monsieur le maire, messieurs et mesdames, prenez garde. Je vais parler français. Dans cette ville ancienne et encore marquée par les blessures de la guerre, nous sommes réunis pour former une assemblée qui, nous l'espérons, sera un jour le Parlement de l'Europe. Nous avons fait le premier pas. Et c'est ce premier pas qui coûte. Ce magnifique rassemblement des citoyens de Strasbourg a été convoqué par le mouvement européen pour montrer au monde quelle force a l'idée de l'Europe unie, quelle puissance elle a, non seulement sur les esprits des penseurs politiques, mais dans les cœurs des larges masses populaires. Dans tous les pays de l'Europe où les peuples sont libres d'exprimer leur opinion. Allusion évidemment au rideau de fer. Mais quand Churchill dit, Robert Franck, il n'y a que le premier pas qui coûte, Cela peut paraître un peu discutable. Oui, il aurait pu dire c'est le premier pas qui compte, mais effectivement il a dit que le premier pas qui écoute ça. Ce qui est important dans ce discours, c'est qu'il montre qu'il a fait son changement. Zurich, il était pour une Europe sans la Grande-Bretagne. Depuis un an, en 48, il est au contraire pour que la Grande-Bretagne y soit, et le monde de façon d'un certain enthousiasme. Et c'est vrai qu'il est donc, de ce congrès de la Haye de 48, sort la création du Conseil de l'Europe. Et c'est ce à quoi il fait allusion dans ce discours. Or, ce Conseil de l'Europe, il est le résultat de discussions entre les Européens, mais en partie entre Français et Britanniques, et ce sont les Britanniques qui ont imposé leur point de vue. C'est-à-dire un Conseil de l'Europe qui sera uniquement consultatif, qui n'aura aucun pouvoir. Et c'est ce qui va persuader les Français, et Jean Monnet en tête, que finalement, avec les Britanniques, on peut essayer de faire l'Europe, mais on n'y arrivera pas. Donc à partir de là, Jean Monnet pense que c'est avec l'Allemagne qu'il faut faire l'Europe. Et disons qu'il va instituer une tradition française par rapport au Royaume-Uni. En matière européenne, on ne discute pas avec eux. Parce qu'on n'y arrivera pas. On fait. On agit. Et une fois le dispositif mis en place, vous verrez, ils sont pragmatifs, parce que ça marche, ils viendront. Et effectivement, c'est une continuité entre Jean Monnet, Delors, et pourquoi pas Emmanuel Macron. C'est va-et-vient, engagement ou pas engagement, jusqu'où aller. Peut-être peut-on en trouver des précédents dans le très long terme, sans remonter forcément jusqu'à Hastings et la conquête par Guillaume le Conquérant. Si vous voulez, ce va-et-vient, on le trouve dès le XVIIe siècle. C'est à ce moment-là que se met en place ce que les historiens appellent un système européen, fondé sur l'équilibre des puissances. Et ce sont les Britanniques qui inventent cela. Coaliser les Européens contre la puissance qui risque d'être hégémonique et qui risque d'envahir l'Angleterre. Et de ce point de vue, les Britanniques sont dans le système européen. Mais souvent, ils refusent de marcher avec les autres alliés et se retirent. Donc il y a un va-et-vient déjà dans le système européen. Pitt, au moment de la Révolution française. Lorsqu'il y a la Révolution française, Premier ministre. En 92, la Prusse et la maison des Habsbourg font la guerre à la France. Ils engagent les Britanniques à venir et Pitt dit non. C'est pas dans l'intérêt de la Grande-Bretagne. Et puis après tout, ces idées libérales, on n'est pas forcément contre. Et quelques mois plus tard, ils changent d'avis. Pourquoi? Parce que ce que n'avaient pas prévu les Prussiens et ceux de l'Empire des Habsbourg, c'est que la France gagne les batailles, Valmy, Gemappe, que la France commence à conquérir la Belgique, ce qu'on appelle aujourd'hui la Belgique, et cette politique de conquête, c'est contraire à l'équilibre des puissances. Et là, Pitt, tout d'un coup, change d'avis. Il prend le prétexte de l'exécution du roi le 21 janvier 1793, pour quelques jours plus tard, le 1er février, non seulement déclarer la guerre à la France, mais organiser la première coalition contre la France. Donc vous voyez comment il est dans le système européen, il en sort, il y rentre, etc. Asquith, un siècle plus tard... 1914. Il ne faut pas de puissance prépondérante sur le continent. Oui, et tout le 19e siècle change sur l'initiative britannique. Le système européen devient un concert européen. C'est pas seulement on organise des coalitions, on fait une concertation permanente pour établir cet équilibre. Et ce concert européen fonctionne relativement au 19e siècle. Il n'y a pas de grande guerre, il y a quand même pas mal... Et en 14, ce concert européen n'existe plus. Pendant la crise de juillet 1914, les Britanniques montrent bien qu'ils ne vont pas entrer en guerre. Pourquoi rentrer en guerre? C'est pas notre guerre. Et tout d'un coup, et là c'est la grande faute, le péché originel de Guillaume II, il envahit la Belgique le 3 août, il viole la neutralité de la Belgique, et là les Britanniques comprennent que, de ce point de vue, c'est une hégémonie allemande qui va se mettre en place sur le continent, qui vont prendre Anvers, qui est juste en face de Londres, et donc avec une possibilité donc d'envahir l'Angleterre, et c'est la Grande-Bretagne qui déclare la guerre. Donc vous voyez comment le gouvernement Asquith, en juillet, ne veut pas entrer dans le système d'alliance et, au contraire, quelques semaines plus tard, il y entre selon l'intérêt, si vous voulez, l'intérêt national, tel qu'il le voit à un moment et à un autre. Dans votre précieux recueil de textes, Robert Franck, que vous avez intitulé « Être ou ne pas être européen », vous faites un sort à une pièce généralement considérée comme mineure, mais à tort probablement, de Shakespeare, qui s'appelle « Timberline », qui remonte à 1611 et qui peut très bien s'inscrire dans notre réflexion de ce matin sur les sources du conflit actuel entre la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et l'Europe. Elle est tout à fait d'actualité, cette pièce de 1611. En effet, il s'agit d'une pièce qui met en scène Cymbeline, le roi des Bretons. Entendez des grands Bretons. On appelait la Bretagne ce qu'on appelle aujourd'hui la Grande-Bretagne. Ça se passe à l'époque d'Auguste. juste quelques décennies plus tôt, Jules César a conquis cette Bretagne, et Cymbeline, à l'époque d'Auguste, refuse de payer le tribut à l'empereur romain. Il refuse, au fond, de rester dans l'Empire romain. Hein, c'est trop cher, ça ne nous rapporte rien, vous voyez, c'est tout à fait des arguments tels qu'on peut les trouver au XXe siècle. Mais conseillé par sa fille Imogène, qui a épousé un citoyen romain... Mariage transfrontalier quasiment, sauf que ce citoyen romain vivait en Bretagne, puis a été exilé. Sur son conseil, finalement, il change d'avis et il accepte de payer le tribut à Auguste et il accepte de rester, remain, dans l'Empire romain. Donc vous voyez, tous les scénarios sont possibles, même aujourd'hui. Il se peut très bien que le Brexit soit annulé avant même qu'il soit appliqué. C'est en tout cas ce qui s'est passé, selon Shakespeare, au temps de Cymbeline. Cymbeline que vous rapprocheriez de Macmillan, de Heath ou de Beau Johnson? De Macmillan, d'une certaine manière. Puisque Macmillan, en 1957-58, précisément au moment où Daszary chante cette chanson... Le Premier ministre britannique n'est pas pour l'entrée de... Enfin, la Grande-Bretagne, en tout cas, n'est pas pour l'entrée de leur pays dans le marché commun. Hein. Donc le gouvernement britannique propose à ce moment-là, en 1956, au marché commun qui est en train de se négocier, une grande zone de libre-échange. Voilà, vous êtes en train de négocier le marché commun, on ne veut pas être dans ce marché commun, mais on vous propose une grande zone de libre-échange dans laquelle sera inclus le marché commun, mais avec les autres pays de l'Europe de l'Ouest, et il n'y aura dans cette grande zone de libre-échange que des accords de libre-échange, mais pas d'institutions communes, etc. etc. Et cette négociation dure jusqu'en 58. Il a fait peu connu, c'est le général de Gaulle arrivé au pouvoir en juin, qui, à la fin de la même année 58, dit non. Mais auparavant, avant de parler des années gaulliennes, il faut dire un mot de l'œuvre de la 4ème République, qui a été défaillante dans bien des domaines, mais qui là laisse un héritage précieux que justement De Gaulle a ratifié à la surprise de quelques-uns. Il y a d'abord la CECA, c'est-à-dire la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, et qui est créée au début des années 50. Et là, la réaction de l'Angleterre est tout à fait typique. C'est vraiment le refus. C'est l'époque où Churchill, toujours dans l'opposition, déclare que ce ne serait pas supportable que quelqu'un puisse enjoindre à la Grande-Bretagne de ne plus extraire du charbon ou de ne plus couler de l'acier, mais de faire pousser des tomates. Fin de citation. En effet, la CECA, telle qu'elle se profile dans le traité de 1951, est trop contraignante aux yeux des Britanniques. Et au nom de leur souveraineté, ils refusent. Du côté français, après 1949, la mise en place d'un Conseil de l'Europe qui n'avait pas les ambitions que les Français voudraient voir accomplies, c'est à ce moment-là que le rapprochement se fait avec l'Allemagne. Donc l'Europe ne se fait pas sur un mode franco-britannique, mais sur un mode franco-allemand à partir de la CECA. Ça a été l'idée de la Communauté européenne de défense qui a finalement échoué, mais qui laisse la place du coup au marché commun, qu'on discute entre six puissances européennes continentales entre 1955 et 1957. Et il est notable à ce propos d'observer qu'au début, il y avait un représentant britannique qui était observateur. C'est Jean-François Degnaud qui raconte, qui était un des négociateurs, diplomate, qui raconte dans ses souvenirs les propos de ce personnage, tirant silencieusement sur sa pipe et finalement s'en allant en disant ceci, là il a parlé. Monsieur le Président, messieurs, je voulais vous remercier de votre hospitalité et vous indiquer qu'elle va cesser à partir d'aujourd'hui. En effet, je regagne Londres. Fonctionnaire sérieux, il me gêne de perdre mon temps et de ne pas justifier le modeste salaire que me verse mon gouvernement. J'ai suivi avec intérêt et sympathie vos travaux. Je dois vous dire que le futur traité dont vous parlez et que vous êtes chargé d'élaborer, n'a aucune chance d'être conclu. D'autre part, que s'il était conclu, il n'a aucune chance d'être ratifié. Troisièmement, que s'il est ratifié, il n'a aucune chance d'être appliqué. S'il l'était, ajoute ce fonctionnaire en partance, s'il l'était, il serait d'ailleurs totalement inacceptable pour la Grande-Bretagne. On y parle d'agriculture, ce que nous n'aimons pas, de droits de douane, ce que nous récusons, et d'institutions, ce qui nous fait horreur, Monsieur le Président, messieurs, au revoir et bonne chance. Tout est dit sur des tendances lourdes, je dirais, de la culture politique britannique par rapport à l'Europe, et dans sa version, bien sûr, négative. Pas de contraintes. Hein. Mais il y a aussi autre chose, c'est l'idée que le marché commun, ça ne va pas marcher. Et au fond, on trouve chez les Britanniques souvent cette sous-estimation de la force de l'Europe. Et ce que dit ce fonctionnaire britannique à ce moment-là, on le retrouve sous le gouvernement de Theresa May, tout à fait surprise de voir les 27 tellement unis face à la Grande-Bretagne et dans cette question du Brexit. Les débuts des années gaulliennes, l'arrivée du général de Gaulle à la présidence du Conseil, le dernier de la 4e République, puis à la présidence de la République, change évidemment complètement la donne et va d'ailleurs rééquilibrer les relations entre les deux pays. Songeons qu'à la fin de la 4e République, il y avait encore un expert anglais qu'avec un expert américain, Murphy, Bailey et Murphy, on avait envoyé pour donner des conseils condescendants à la France sur la gestion de ses finances. Tout change à partir de 1958 à cet égard. Tout change, bien entendu, puisque d'une part, et bien évidemment, le général de Gaulle veut l'indépendance de la France. D'autre part, il va effectivement lui-même assainir les finances. Et c'est intéressant que cet assainissement des finances, c'est précisément pour mieux préparer la France au marché commun, qui va s'ouvrir officiellement avec un début de diminution des droits de douane à partir du 1er janvier 1959. Voilà, donc... Général de Gaulle veut concilier, si vous voulez, indépendance de la France et acceptation du marché commun qu'il pense bon pour l'économie française et donc pour le pays. Il y a eu un premier veto, de fait, du général de Gaulle qu'on oublie parfois. Oui, tout à fait. Pendant les négociations entre les six auxquelles la Grande-Bretagne ne participe pas, du marché commun, les Britanniques font la proposition d'une grande zone de libre-échange entre tous les pays d'Europe occidentale. Le marché commun, donc, il ferait partie, serait inclus dans cette grande zone de libre-échange, aurait ses propres règles, mais avec les autres pays, il y aurait tout simplement des accords de libre-échange. Et là, on voit, c'est très intéressant, on voit l'idéal britannique par rapport à l'Europe. C'est-à-dire, une zone de libre-échange, c'est très bien sur le plan du libéralisme économique, c'est bon pour la prospérité, mais pas d'institution. On ne parle pas d'agriculture. Et donc, c'est ça que veut la Grande-Bretagne. Et elle est attachée à cette idée. Et sous-jacent aujourd'hui encore. On retrouve encore aujourd'hui. Certains veulent revenir à cela. Mais précisément, les négociations pour cette grande zone de libre-échange tardent, de 56 jusqu'à 58. Et le général de Gaulle, quelques mois après son arrivée au pouvoir, fait comprendre aux cinq partenaires qu'il faut dire non. Et effectivement, il dit non. C'est le premier veto gaullien méconnu dans la mesure où il refuse cette grande zone de libre-échange. Que font les Britanniques, du coup? Ils font une petite zone de libre-échange. C'est-à-dire l'AELE, l'Association Européenne de Libre-Échange, et une Europe des sept, hein, avec les pays scandinaves, l'Autriche, la République d'Irlande, etc., le Portugal, etc., etc. Et ils appliquent donc cette même idée. C'est en janvier 59 que le traité de Stockholm concrétise donc cette Europe des sept, cette AELE. Or, précisément, on retrouve les va-et-vient perpétuels, et de ce point de vue, Macmillan ressemble à Cymbeline. On retrouve effectivement... De Shakespeare, on retrouve effectivement ce va-et-vient. L'encre de ce traité de Stockholm est à peine séchée, janvier 59, qu'en août 61, Macmillan change d'avis et demande l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. L'Europe des six a gagné. Pourquoi ce changement de cap? À mon avis, août 61, c'est un tournant essentiel dans l'histoire de la construction européenne. Un tournant méconnu. En effet, qu'est-ce qui se passe? La Grande-Bretagne ne voulait pas y aller. Et tout d'un coup, elle veut y aller. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle monte simplement du doigt entre toutes les organisations européennes concurrentes, l'OECE, le Conseil de l'Europe, l'AELE, l'Europe des six. L'Angleterre montre du doigt l'organisation gagnante. Et comme c'est l'organisation gagnante, elle veut y rentrer. Pourquoi gagnante? À l'intérieur de la CE, les taux de croissance annuels sont entre 4, 5, 6%. À l'intérieur de l'AELE, ils sont autour de 2, 3%. Donc nettement inférieur. Le commerce de la Grande-Bretagne avec ses six partenaires des sept est nettement moindre que son commerce avec l'Europe des six. Et de ce point de vue, les milieux économiques britanniques, la City en particulier, et on retrouve la City aujourd'hui, hein, très attachée au Remain, la City à l'époque, pousse évidemment Macmillan à changer d'avis, ce qu'il fait en août 61. Matter of fact. Vous vous rendez pas compte, on le voit dans les archives, la fureur des Norvégiens, la fureur des Suédois, la fureur des Danois, des Autrichiens, des Portugais. Comment les Britanniques nous ont forcés à signer cet accord de Stockholm et à peine signé, ils s'en vont, ils changent d'avis, ce n'est pas sérieux. Pour appréhender l'état d'esprit du gouvernement britannique à ce moment-là, je donne la parole au Premier ministre du temps, Harold Macmillan, qui s'exprime sur l'Europe, à Oxford, à l'occasion de la pose de la première pierre d'un pavillon français. On est le 16 juin 1962. C'est un extrait, une archive d'Interactualité sur France 1 Paris Inter. C'est par une heureuse coïncidence que je pose cette première pierre si peu de temps après ma visite au général de Gaulle. Il se passe en ce moment, en Europe, des événements d'un intérêt palpitant. Et c'est pour les Européens le moment de faire leur preuve. Une magnifique occasion s'offre à nous. Une occasion se présente en particulier aux deux vieilles et fières nations de France et de l'Angleterre. Nous avons chacun nos traditions et nos convictions. Nous tenons chacun à ce que nous avons appris et gagné à la rude école de l'histoire. Nous tenons chacun à notre identité nationale. Chacun est convaincu que nous avons beaucoup à donner à la civilisation. Chacun désire montrer ses qualités de chef. Il y a en tout ça rien de nouveau. Ses traditions et ses convictions ne sont pas un obstacle au rapport étroit entre nos deux nations. Je me souviens bien, quand j'étais jeune, l'histoire des liens entre la Gaule et l'Albion. On me disait que c'était une des raisons qui incitèrent César à envahir ce pays. Et il n'y a pas besoin de mentionner cette petite affaire en 1066. Maintenant, ce sera plus commode. On aura ou le tunnel ou le pont. Dans notre communiqué, le général de Gaulle et moi-même avons reconnu, je cite les mots, la communauté d'intérêt entre la France et le Royaume-Uni. Ce ne sont pas là de vaines paroles. Ce ne sont pas de vaines paroles, assurément. Vous remarquez sûrement, Robert Franck, qu'il a dit que chacun avait envie d'être chef. Est-ce qu'il est possible d'avoir deux chefs à la fois? C'est toute la question. Le discours de Macmillan est relativement optimiste. En effet, quelques jours plus tôt, il a rencontré le général de Gaulle à Champ. Et en gros, la réunion s'est pas mal passée. Le général de Gaulle, bien sûr, a encore quelques réticences, mais il a l'impression que la Grande-Bretagne se rapproche de l'Europe, même s'il ajoute qu'elle n'y est pas encore venue. Disons qu'on peut avoir un optimisme relatif après cette entrevue. Voilà, donc on a un Macmillan qui a voulu se montrer un Européen convaincu. C'était un petit peu le dessin qu'il avait lorsqu'il parlait avec le général de Gaulle. Mais c'est vrai que les négociations ne seront pas si faciles. Auparavant, de Gaulle avait écrit une lettre assez bienveillante à Macmillan en lui disant... De tout temps, les participants au marché commun, qui sont 6, ont souhaité que d'autres, et en particulier la Grande-Bretagne, se joignent au traité de Rome, qu'ils en assument les obligations et que, je pense, ils en reçoivent les avantages. C'est à mettre en opposition à ce qu'écrit De Gaulle dans ses mémoires, mémoires d'espoir. Comme du dehors, les Anglais n'ont pas pu empêcher la communauté de naître, ils projettent maintenant de la paralyser du dedans. C'est très différent. Oui, c'est différent et le mot est un peu fort. Il n'empêche qu'il dit bien qu'ils doivent en assumer les obligations. Et c'est bien sûr là-dessus que toutes les négociations vont réchauffer. Pendant cette première candidature, les Britanniques ont un peu l'impression qu'ils vont pouvoir changer quelques petites choses au traité de Rome. Or, précisément, les Européens, et de ce point de vue, les 5 sont presque unis. Hein, je veux dire, même s'il y a des dissensions entre les 5 et le général de Gaulle par rapport à la candidature britannique plus tard, les 6 sont unis sur un point. Lorsqu'un candidat veut entrer dans le marché commun, il doit en accepter toutes les règles. Elles ne sont pas discutables. Ne pas changer les règles du club quand on y entre. Ce qu'on appelle l'acquis communautaire. Voilà. C'est, le mot n'est pas encore prononcé, mais ça va faire un peu jurisprudence. En revanche, ce qui peut discuter, c'est la transition. Hein, le temps qu'il faut pour que le nouveau candidat, le nouvel entrant, puisse assumer les obligations. Et c'est vrai que ça, les Britanniques ne sont peut-être pas tout à fait prêts à cela, du moins en 1961, 62, 63. Ceux qui, à l'intérieur des 6, sont les plus favorables à l'entrée des Anglais, par exemple, l'éminent homme d'État belge qui s'appelle Paul-Henri Spaak, espère que De Gaulle va incliner à accepter, parce que la Grande-Bretagne, tenante à son autonomie de décision, serait elle-même aussi hostile à l'idée d'une intégration européenne et favorable à une Europe des patries que le général De Gaulle lui-même. On est au cœur d'une contradiction très intéressante. Le général De Gaulle lui-même, au mois de mai 62, souligne cette contradiction. Il dit, vous êtes en même temps pour une Europe supranationale. Or, précisément, la Grande-Bretagne n'est pas du tout sur cette longueur d'onde. Et au fond, cette contradiction qu'il souligne, elle est valable aussi pour lui. Il aurait pu très bien vouloir l'entrée de la Grande-Bretagne, précisément pour avoir un allié qui empêcherait l'Europe d'être supranationale, puisque effectivement Spaak, peut-être Luns à la tête des Pays-Bas ont cette idée supranationale. Donc cette contradiction, elle est valable pour tous. Cela dit, c'est peut-être De Gaulle qui a finalement raison, puisque finalement, est-ce qu'il a besoin d'un allié britannique au sein de la communauté européenne pour empêcher qu'elle devienne supranationale? Non. Lorsqu'il fera plus tard, en 65, la crise de la chaise vide, il aura gain de cause en janvier 66, et effectivement, cette Europe ne va pas dériver vers une Europe supranationale, puisque le compromis de Luxembourg maintient le vote à l'unanimité, ce qui montre bien qu'aucune souveraineté nationale n'est lésée dans l'Europe des Six. Il faut naturellement que nous attardions, Robert Frank, sur ce moment décisif de la conférence de presse du général de Gaulle du 14 janvier 1963, où il oppose avec beaucoup d'éclat son veto à la Grande-Bretagne et du coup déçoit beaucoup ceux qui, outre-Manche, souhaiteraient rejoindre le marché commun. Il faut peut-être que vous rappeliez le contexte. On est en janvier 63, les négociations ont été très longues. Elles ont du mal à aboutir sur les questions agricoles et sur d'autres questions, d'une part. Le Commonwealth aussi. Sur le Commonwealth, effectivement, quelle serait la place des Commonwealth dans la configuration économique et douanière? Voilà sur le plan économique. Sur le plan international, il y a aussi autre chose. C'est que le président des États-Unis, John Kennedy, a proposé de renforcer la communauté atlantique en faisant un pont entre les deux rives de l'océan et en proposant une force multilatérale atomique que les Britanniques finalement acceptent et qu'évidemment le général de Gaulle refuse. Donc, chose décisive, parce que quand à Nassau, effectivement, Macmillan accepte en fait de laisser la clé de ses propres armes atomiques aux États-Unis, c'est absolument insupportable pour le président de la République française. Alors précisément, Nassau, c'est décembre 62, donc un mois avant cette conférence de presse, et c'est effectivement le tournant dans l'esprit du général de Gaulle, qui déjà, on le sait, était très réticent, mais là, il prend la décision, ce n'est pas possible. Il ne veut pas d'une Grande-Bretagne qui serait une sorte de cheval de Troie de l'atlantisme à l'intérieur de l'Europe. Il veut une Europe européenne, certes avec l'allié américain, mais non pas une Europe complètement atlantiste et américanisé. Et de ce point de vue, ça compte aussi dans le refus du général de Gaulle de l'entrée de la Grande-Bretagne dans la CE. Non sans quelques motifs, il voit les Anglais comme souhaitant rester au centre de trois cercles, et pas seulement un seul, un cercle euratlantique qui serait une alliance spécifique avec les États-Unis. C'est ce que disait Churchill à De Gaulle, de façon inimitable. Sachez De Gaulle qu'entre les États-Unis, le grand large et le continent, nous choisirons toujours le grand large. En tout cas, il voulait maintenir cela. Et puis l'autre cercle qui est le Commonwealth, le troisième seulement étant l'Europe. Alors, il faut entendre la voix de De Gaulle maintenant. Vous êtes impatient, je le sens. Nous allons entendre des extraits de la conférence de presse du 14 janvier 1963. Alors, il est possible qu'un jour, l'Angleterre parvienne à se transformer elle-même suffisamment pour faire partie de la communauté européenne sans restriction, sans réserve et de préférence à quoi que ce soit. Et dans ce cas-là, les Six lui ouvriraient la porte et la France n'y ferait pas d'obstacle, bien qu'évidemment la simple participation de l'Angleterre à la communauté changerait considérablement sa nature et son volume. Il est possible aussi que l'Angleterre n'y soit pas encore disposée. Et c'est bien là ce qui paraît résulter des longues conversations de Bruxelles. Ben, si c'est le cas, il n'y a rien là qui puisse être dramatique. D'abord, quelques décisions que prenne finalement l'Angleterre à cet égard. Il n'y a aucune raison pour que soit changé en ce qui nous concerne. Les rapports que nous avons avec elle et la considération, le respect qui sont dus à ce grand État, à ce grand peuple, n'en seront pas altérés le moins du monde. Ce que l'Angleterre a fait à travers les siècles et dans le monde est reconnu comme immense, bien qu'il y ait eu souvent des conflits avec la France. Si les négociations de Bruxelles ne devaient pas actuellement aboutir, eh bien, rien n'empêcherait que soit conclu entre le marché commun et la Grande-Bretagne un accord d'association de manière à sauvegarder les échanges. Et rien n'empêcherait non plus que soient maintenues les relations étroites de l'Angleterre et de la France. Enfin, il est très possible que l'évolution propre à la Grande-Bretagne et l'évolution de l'univers portent peu à peu les Anglais vers le continent. Quels que soient les délais que puisse demander l'aboutissement. Et pour ma part, c'est ça que je crois volontiers. Et c'est pourquoi, à mon avis, de toute manière, ce sera un grand honneur pour le Premier ministre britannique, pour mon ami M. Harold Macmillan et pour son gouvernement, d'avoir discerné cela d'aussi bonne heure, d'avoir eu assez de courage politique pour le proclamer et d'avoir fait faire les premiers pas à leur pays dans la voie qui un jour peut-être le conduira à s'amarrer au continent. J'espère vous avoir répondu, monsieur, à vous et à beaucoup d'autres. France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Beaucoup de commentaires, j'imagine, vous avez noté la condescendance avec laquelle il parle de l'honneur qui sera celui du Premier ministre britannique d'avoir espéré qu'un jour... Et d'autre part, il dit peu à peu, on ne sait pas très bien quel est le délai auquel il peut songer. Non, ces passages, à mon avis, sont extraordinaires. Il y a une certaine perfidie, bien sûr, lorsqu'il parle de l'avenir possible. Au fond, il vient de refuser, unilatéralement, sans concertation avec les cinq partenaires, la Grande-Bretagne dans la CE. Et au fond, il ajoute, mais l'avenir est ouvert. Et il félicite Macmillan d'avoir déjà fait ce premier pas, semblant montrer que, puisque les Britanniques ont été capables de faire ce premier pas, ils peuvent continuer à en faire d'autres. Et de ce point de vue, le général n'a pas tort. Parce qu'effectivement, dans les négociations qui vont venir, les Britanniques ne sont pas tout à fait sur la même position et comprennent qu'il y a un acquis communautaire à respecter. Mais c'est extraordinaire aussi parce que, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, au fond, si il n'y a pas la Grande-Bretagne dans la CE, ça ne change pas trop les relations entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Il a raison. Sur le plan militaire, dans le cadre de l'Alliance Atlantique. Et ça nous fait penser à aujourd'hui. Et effectivement, si le Brexit a lieu, on ne sait pas finalement s'il va avoir lieu, mais s'il a lieu, il n'y a rien de changé dans les relations franco-britanniques sur le plan militaire, sur plein d'autres relations entre l'Europe et la Grande-Bretagne. Alors là, bien sûr, il y a une différence, c'est qu'il dit, sur le plan économique, il pourrait y avoir une association. Or, vous l'avez bien vu, c'est toute la question du deal, est-ce qu'il peut y avoir une association, etc. Et on voit que c'est difficile. Et c'est vrai que ça aurait été plus facile au temps de Gaulle que maintenant. Pourquoi ? Parce que, selon l'expression de Pascal Lamy, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? On a fait une omelette. L'Europe est une omelette. Et la Grande-Bretagne a ses œufs dedans. Eh bien, bon courage pour reprendre ses œufs d'origine. C'est quasiment impossible. Et là, évidemment, du temps du général de Gaulle, l'omelette n'existait pas. Et donc, vous voyez, à la fois les points communs et les différences par rapport à aujourd'hui. Il n'était pas impossible d'imaginer plus aisément qu'aujourd'hui qu'on puisse organiser la libre circulation des marchandises, à condition de faire des sacrifices du côté du Commonwealth. Mais comme dans ces années-là, le commerce avec l'Europe augmentait pour la Grande-Bretagne aux dépens de son commerce avec le reste du monde, on pouvait avoir le sentiment d'aller dans la bonne direction. Vu d'aujourd'hui, c'est intéressant. Oui, c'est intéressant, mais on retrouve, si vous voulez, la même question. C'est que le marché commun, ce n'est pas seulement une zone de libre-échange. Il y a un tarif extérieur commun. Donc il y a une politique douanière commune. Et à l'époque, la Grande-Bretagne est très réticente. Et une aujourd'hui, politique agricole. Et aujourd'hui, Boris Johnson veut effectivement avoir la liberté de discuter des droits de douane avec les autres. Et bien sûr, il y avait la politique agricole commune, deuxième donc politique commune européenne, que les Britanniques avaient d'abord refusée et avaient ensuite des réticences à accepter. L'Angleterre est très, très humiliée à l'époque. Oui, je crois que ça montre un tournant. Et parfois, je me pose la question si ça n'a pas joué dans la tête du général de Gaulle. Quand vous y réfléchissez, à partir du XVIIIe siècle, l'économie britannique est en pleine révolution industrielle. Elle commence et prend le lead en Europe et devient la première puissance économique de l'Europe, même du monde, à travers tout le XIXe siècle, donc nettement devant la France. Et au moment où le général de Gaulle parle, il y a un renversement. L'économie française est en train de dépasser l'économie britannique. Son produit intérieur brut le dépasse, de fait. Voilà. Au tournoi des cinq nations, la France commence à gagner. Ah, la symbolique du sport. Voilà. Donc, vous voyez, tout change. Donc, tout d'un coup, c'est comme s'il y avait une sorte de revanche française après deux siècles, disons, d'une certaine infériorité par rapport à la Grande-Bretagne. Et De Gaulle peut surfer sur cette vague. Et on prête à Macmillan, je ne sais pas si c'est juste ou non, on prête à Macmillan dans ses négociations avec De Gaulle, mais au fond, si vous nous refusez, c'est comme si vous vouliez nous imposer le blocus continental de Napoléon. Vous voyez, une sorte de syndrome de chaque côté. Hein, le syndrome de blocus continental du côté britannique, ils ne veulent pas en être complètement en dehors de l'Europe, et le syndrome français par rapport à cette Grande-Bretagne, cette supériorité anglaise qui est peut-être en train de s'ébranler dans les années 60, et effectivement, c'est un moyen de montrer que la France, maintenant, compte dans ses relations franco-britanniques, et que dans ses relations franco-britanniques, peut-être, le rapport des forces a changé. Ce n'est pas le dernier veto du général de Gaulle, il y en a un troisième qui mérite d'être évoqué, Robert Franck. Celui de 1967. Dans l'histoire britannique, c'est un peu un changement parce que cette deuxième candidature est proposée par les travaillistes. Harold Wilson, premier ministre du Labour Party. Or, précisément, les travaillistes avaient été contre le marché commun pendant la première négociation. Oui, d'ailleurs, en 1962, Clement Attlee, l'ancien premier ministre travailliste, disait « Il y a 20 ans, je n'aurais jamais imaginé que dans la liste de nos amis proches, nous classerions les Allemands devant les Canadiens, les Australiens, les Néo-Zélandais, les Indiens ou tout autre peuple. » On retrouve effectivement, et on l'oublie en France, cette germanophobie très forte chez les Britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale, bien sûr, et qui laisse des séquelles peut-être plus importantes qu'ailleurs. Alors qu'ils avaient été si complaisants dans les années 30 envers la montée. De cette manière, bon, pour des raisons diplomatiques, peut-être pas pour des raisons affectives. Et bien sûr, Attlee le montre aussi, et certains travaillistes, et tous les Britanniques, cet attachement au Commonwealth. Le Commonwealth étant peut-être un cercle plus important que l'Europe. Donc, les travaillistes sont en train de changer. Pas tous, justement. Beaucoup de travaillistes seront contre leur Premier ministre. Et donc, il y a cette seconde candidature. Et là encore, mais ça se passe beaucoup plus rapidement, au bout de quelques mois, général de Gaulle oppose un nouveau veto. Ce qui va l'isoler encore plus en Europe. Là, les cinq partenaires sont assez furieux et dans une certaine mesure, dans un contexte où il y a le discours au Québec, certaines erreurs entre guillemets qui sont attribuées au général de Gaulle. Vous dites que c'est une erreur. Non, mais on lui attribue ça comme une erreur. Donc je veux dire, certains se posent la question de vive le Québec libre. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que c'est pas un isolement, si vous voulez, de la France en Europe? Un isolement paradoxal, puisque De Gaulle est extrêmement populaire hors d'Europe, dans les pays du tiers-monde, en Europe de l'Est, parce qu'il a entamé la détente, et au contraire très isolé... En Amérique latine. En Amérique latine, et au contraire très isolé à l'intérieur de l'Europe des Six. Donc, De Gaulle, jusqu'au bout, tient sa position, jusqu'à son départ en 69, et le tournant intervient avec l'arrivée de Georges Pompidou à la présidence de la République, à l'Élysée. Raconter la manière dont il a, lui, changé d'avis est intéressant par rapport à aujourd'hui. Sous un regard d'ailleurs très sévère du général de Gaulle, on sait que dans sa retraite, il avait expliqué à des visiteurs que, assurément, Pompidou ne tiendrait pas dans ce domaine. Il est complètement hors du coup, disait-il même. Oui. Pompidou pense que le moment est venu d'accueillir la Grande-Bretagne. Mais comment? Pourquoi? Vous allez nous le dire. Oui, il y a peut-être des raisons de politique intérieure, qui ne sont peut-être pas les principales, mais il faut se rappeler que pendant la campagne électorale présidentielle, à l'issue de laquelle Pompidou sort vainqueur, celui-ci a obtenu le ralliement de certains centristes. Des centristes très européens qui en 62 avaient quitté le gouvernement du général de Gaulle, qui s'étaient opposés à lui, démocrate chrétien ensuite, démocrate chrétien en particulier. Donc il se rallie à lui, d'autant plus que Pompidou, cette fois il le dit pendant la campagne électorale, qu'il peut envisager des nouvelles négociations avec la Grande-Bretagne. Ça contente les centristes et dans une certaine mesure ces voix centristes ont pu contribuer à la victoire de Pompidou en juin 1969. Il y a d'autres raisons. La France, à l'intérieur de la CE, après le veto de 1967, est extrêmement isolé et Pompidou le comprend. Il faut sortir de cet isolement. Troisièmement, il s'entend avec le chancelier Brandt, donc le couple franco-allemand qui avait connu quelques crises dans les mois précédents se reforme. Et Pompidou, au fond, adopte une méthode qui pourrait ressembler à celle de Jean Monnet. Au fond, abordons des négociations avec le Royaume-Uni, mais avant que ces négociations aboutissent, allons plus loin. Faisons un approfondissement de l'Europe. Une Europe plus industrielle, une Europe monétaire, parce que de cela fera surtout pas discuter avec les Britanniques quand ils seront là. Il faut discuter avant. Voilà. Donc on retrouve, si vous voulez, ce qu'avait inauguré Jean Monnet, on discute pas trop avec les Britanniques, on n'y arrive pas. Voilà. Bon. Et effectivement, d'où le triptyque qu'il propose et que Brandt accepte, c'est-à-dire achèvement, approfondissement et élargissement venant en troisième. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Écoutez cette déclaration du président Georges Pompidou après son entretien avec Edward Heath. On est au moment de la réconciliation, on a l'impression que les portes s'ouvrent. Sur Interactualité, le 21 mai 1971, c'est une conférence de presse. Beaucoup de gens croyaient que la Grande-Bretagne n'était pas et ne voulait pas devenir européenne, et qu'elle ne souhaitait entrer dans la communauté que pour la détruire ou pour la détourner de ses fins. Beaucoup aussi croyaient que la France était prête à utiliser tous les prétextes pour opposer finalement un nouveau veto à l'entrée de la Grande-Bretagne. Eh bien, mesdames et messieurs, vous voyez devant vous ce soir deux hommes qui sont convaincus du contraire. Alors, ce sont des noces heureuses, Robert Franck ? Presque. En tout cas, il y a le contexte. Quelques instants plus tôt, il y a eu cet entretien décisif entre Pompidou et Heath, entre le président de la République française et le Premier ministre, qui a été des entretiens qui ont été déterminants. C'est à partir de là, on pouvait savoir que on allait vers une réussite, qu'effectivement, il y aurait un accord entre la Grande-Bretagne et les six du marché commun grâce à cette entrevue. En deuxième lieu, bien sûr, on peut sourire sur la différence entre Pompidou et le général de Gaulle. Au fond, d'une certaine manière, le général de Gaulle craignait que la Grande-Bretagne, à l'intérieur du marché commun, fût une puissance désintégratrice qui pourrait être délétère, qui pourrait, de l'intérieur, détruire le marché commun. Et Pompidou dit exactement le contraire. Ce qui est fascinant, c'est que et de Gaulle et Pompidou ont raison, à cause de ce va-et-vient. Voilà un propos irénique, Robert Franck. Pas, oui, si vous voulez, mais si vous voulez, il y a cette logique de l'identité britannique. C'est-à-dire que les Britanniques se sentent plus européens qu'on ne le croit. Et de ce point de vue, Pompidou a raison. Mais cette identité européenne, ils la sentent comment ? Nous sommes européens, mais nous sommes à part. Et ça donne raison à Gérald de Gaulle. Donc vous voyez, l'ambivalence, elle est là, on est au cœur de l'ambivalence. C'est-à-dire que les Britanniques, lorsqu'ils sont in, lorsqu'ils sont dedans, ils sont mal à l'aise, ils regardent vers la porte de sortie. Mais lorsqu'ils sont out, ils ont peur d'être marginalisés, et ils veulent être dedans. Et ce va-et-vient constant, nous le trouvons évidemment aujourd'hui, y compris dans les négociations, je dirais, entre Britanniques, pour savoir quel type de Brexit il faut faire. Alors cela éclaire la nature du référendum de 1975 en Grande-Bretagne, sur l'entrée dans le marché commun, qui est un succès, contrairement à celui que nous avons connu plus récemment, 2016. Jusqu'ici, le référendum n'était pas une pratique de la Constitution. Le rapprochement avec notre actualité n'est pas sans quelque intérêt. Le rapprochement avec l'actualité est très intéressant, puisque le référendum est, je dirais, contraire à la culture politique britannique. C'est quoi un référendum ? Ou comme on disait auparavant en France, un plébiscite ? c'est quelque chose de très Frenchy, de très typiquement français, de bonapartiste. Nous, Britanniques, nous avons un système parlementaire représentatif, c'est le Parlement qui incarne la souveraineté de la nation, et effectivement, poser une seule question, oui ou non, où il n'y a pas de droit d'amendement, le peuple n'a même pas de droit d'amendement dans un référendum, c'est pas notre culture. Et Wilson, Premier ministre travailliste, Wilson, pour gagner les élections de 1974, pendant sa campagne, dit « Heath a très mal négocié le marché commun, je le renégocierai et vous verrez ce qui va se passer, nous changerons les règles et je soumettrai ça au référendum ». Un peu comme Cameron pour gagner les élections de 2015. Et lui, conservateur. Comment il commence à... Alors, Heath, effectivement, gagne les élections, il tient parole, il négocie avec l'Europe, il n'obtient presque rien hein, comme résultat. Il n'y a pas beaucoup de changements, il soumet ça au référendum. Et effectivement, c'est un très grand succès, près de 65, enfin près de deux tiers des Britanniques votent oui. Très intéressant de voir qui a voté oui, qui a voté non. En effet, on voit la division, qu'on voit encore aujourd'hui, dans les deux partis. Beaucoup de travaillistes, contrairement à leur Premier ministre, font voter non. Et du côté conservateur, Edward Heath, qui était à la tête de ce parti conservateur, qui avait perdu les élections en 1974, donc qui était le chef de l'opposition, au congrès du parti conservateur, perd la majorité, et c'est une jeune femme, Margaret Thatcher, qui arrive à la tête de ce parti, et qui devient donc la chef de l'opposition. Et que fait-elle pendant ce référendum ? Elle veut conduire ses électeurs à voter oui. Elle fait des vibrants discours en faveur de l'Europe, hein, montrant l'intérêt de la Grande-Bretagne d'être dans le marché commun. Donc, vous voyez, encore quelqu'un qui va changer d'avis plusieurs fois. Il y a vraiment une continuité dans le fait que l'opposition entre ceux qui sont partisans d'avancer vers l'Europe et ceux qui sont réticents passe à l'intérieur des deux grands partis. C'est vrai déjà au moment de 1971, 73, 74. Écoutez donc cette interview de deux députés britanniques. Maurice Edelman, qui est député travailliste du Pays de Galles, et puis ensuite Morgan, qui est député conservateur. C'est juste après le vote de la Chambre des communes sur l'adhésion de la Grande-Bretagne au marché commun. On est le 29 octobre 1971. Après le vote, je me suis tenu derrière la chaise de M. le Speaker, et en ce moment, le Premier ministre, M. Heath, il est passé par devant la chaise du Speaker. Et j'ai été le premier à le saluer et à le féliciter de sa victoire. Alors il m'a dit, oui, c'est une nuit qu'on va rappeler pour longtemps. Est-ce que vous avez le sentiment que la Grande-Bretagne a un peu changé ce soir, qu'il y a un peu de la vieille Angleterre qui s'en est allée ? Oui, c'est une vieille Angleterre qui ce soir s'est rajeunie. Et voilà pourquoi il y avait de grandes scènes d'enthousiasme dans la chambre, telles que je les ai vues depuis que je suis membre, c'est-à-dire depuis 26 ans. J'ai voté contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun parce que, en premier lieu, nous allons perdre notre souveraineté comme nation. En second lieu, parce que nous allons perdre notre position privilégiée du point de vue de la commerce dans les nations de l'Association européenne de libre-échange. Et enfin, parce que nous allons perdre nos derniers liens politiques avec les pays du Commonwealth. Vous avez laissé Robert Frank dans l'incertitude sur la date de cet enregistrement. Peut-être auriez-vous un peu de peine à croire qu'il est aussi ancien. Effectivement, on retrouve là une constante sur la division des partis. Si on prend le Parti travailliste de l'époque, Edelman est plutôt minoritaire. Hein, la grande majorité du Parti travailliste est contre l'entrée dans le marché commun. À l'inverse, Morgan, conservateur, est contre l'entrée au marché commun, alors que son parti est en majorité pour, et que Heath, bien sûr, incarne cette entrée au marché commun. Et au fond, les choses n'ont pas changé. Ce qui complique la question du Brexit aujourd'hui, c'est pas seulement une question de relation entre la Grande-Bretagne et l'Europe, c'est une question de la relation entre Britanniques eux-mêmes, qui n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les mêmes partis. Dans le parti travailliste aujourd'hui est divisé, le parti conservateur est divisé, et on retrouve donc ces divisions d'une façon constante. Le seul changement, c'est que globalement, il y a eu un chassé-croisé, les conservateurs plutôt en majorité pour l'Europe sont devenus plutôt en majorité réticents, voire contre l'Europe, et les travaillistes plutôt contre le marché commun dans les années 60-70 sont devenus au contraire en majorité plutôt pour le Remain. Ce qui complique l'affaire de Jeremy Corbyn, leur chef, parce que lui au contraire, il est plutôt dans l'aile gauche du parti, réticente par rapport à l'Europe. Il faut dire enfin, avant de clore notre conversation, que dans la mémoire des Européens demeurent aussi les comportements de Mme Thatcher, qui, après avoir été d'abord très favorable à l'Europe, a eu des positions très raides. Il y a la fameuse formule « I want my money back », le chèque anglais. Aujourd'hui encore, il y a des questions qui se posent en cas de Brexit sur l'argent qui sera restitué par la Grande-Bretagne. Pour moi, le cas de Margaret Thatcher illustre ces tergiversations, ces changements de cap britanniques. En 75, elle est d'une façon enthousiaste, europhile. Puis lorsqu'elle arrive au pouvoir en 79, elle clame « I want my money back », elle montre son euroscepticisme. Finalement, en 84, elle obtient une partie, mais une partie seulement, de cet argent. Et de 84 jusqu'en 90, elle ne fera rien contre l'Europe. Alors qu'elle avait bloqué l'Europe entre 79 et 84, elle ne fait rien pour bloquer l'Europe. Or, qu'est-ce qui se passe? Jacques Delors, elle l'accepte comme président de la Commission européenne. Il est notoirement pour que l'Europe avance. En 86, parce que Jacques Delors, très habilement, lui offre l'idée de marché unique, très, très libéral sur le plan économique, elle accepte, mais le marché unique est inclus dans un acte unique, et l'acte unique de 86 est fondamental dans l'histoire constitutionnelle de l'Europe. C'est la première fois qu'il est dit que dans certains domaines, le vote se fera à la majorité qualifiée. C'est-à-dire que Margaret Thatcher, qui se veut gaullienne sur le plan des institutions, a accepté cela. Or, c'est extraordinaire, parce que aujourd'hui, les Brexiteurs, précisément, reprochent ce manque de souveraineté. Or, c'est Margaret Thatcher, celle qu'on appelle la Dame de Fer, qui a accepté cette première brèche à la souveraineté britannique. Tout en négociant une situation spécifique de la Grande-Bretagne par rapport aux autres. Éternelle tentation, on est dans le club, mais on veut avoir une place à part. C'est effectivement ce que son successeur fera, John Major, qui va accepter le traité de Maastricht de 1992, mais qui va obtenir l'opt-out, c'est-à-dire le fait que la Grande-Bretagne signe le traité de Maastricht, mais ne s'engage pas forcément dans l'unité monétaire et n'adoptera pas forcément la monnaie unique. Et c'est ce qui se passera, effectivement. La Grande-Bretagne n'est pas dans la zone de la monnaie unique. Et tout cela est dans la mémoire des négociateurs d'aujourd'hui et des Européens du continent. Merci beaucoup Robert Franck, merci. Votre livre, qui est un recueil très précieux de textes avec des introductions et des commentaires, est également très utile, s'appelle « Être ou ne pas être européen »,« Être ou ne pas être européen », »,« Les Britanniques et l'Europe du XVIIe siècle au Brexit », paru tout récemment chez Belin. Je voudrais également citer avec beaucoup de considération le livre que vous avez publié avec Alia Aglan, qui s'appelle « La guerre monde » de 1937 à 1947, dans la collection Folio Histoire chez Gallimard en 2015. Et puis, on doit célébrer toujours sur ces sujets les travaux de Maurice Weiss, grand spécialiste de la politique étrangère du général de Gaulle. Il y a consacré un livre en 1998, qui a été réédité depuis et qui s'appelle « La grandeur », « La grandeur 1958-1969 ». Enfin, hommage au livre d'Agnès Tachin, « Amis et rival, la Grande-Bretagne dans l'imaginaire français à l'époque gaullienne », paru chez Peter Lang en 2009. Vous pourrez trouver une bibliographie plus complète sur notre site, vous le savez, avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Vous pourrez écouter, réécouter et podcaster cette émission que vous réécouterez sûrement avec intérêt quand on connaîtra enfin l'issue du tourbillon du Brexit. Brexit ou pas Brexit. Samedi prochain, nous parlerons de la République et des animaux. Vous avez vu les succès des relatifs, mais notables, des listes animalières aux dernières élections européennes. Voilà qui suscite la curiosité. Je recevrai Pierre Serna pour en parler. Nous remonterons en particulier à la Révolution française. La semaine prochaine, Xavier Mauduit, dans le cours de l'histoire, chaque jour entre 9h et 10h, Xavier Mauduit parlera de la naissance des religions. Vaste programme. For my part, I do like the common market. For my part, I detest the common market. Eh bien, c'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée avec le précieux concours de Domitille de Gavrilov et de Claire Poinsignon. Réalisé par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son U2 Diego Hack Lopez, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Gwen Michel. Et dans quelques instants, je passe le relais à Christine Ockrent pour son émission Affaires étrangères. Le tout étendu sur le fond d'une chanson de Jean-Yann, Luton, pour le marché commun 1973. I hate the common market. Marché commun, luttons pour le marché commun.